parole mais pas un mot, y'a rien à prouver devant les gens. Ça me rend triste de me dire qu'ils sont derrière moi tous les bons moments. L'impression d'être condamné, je cherche à tout oublier. Rapta comme un entier, c'est plus moi qui tiens le volant. Toute une vie dans le cendrier, je ressens plus les sentiments. Et vu que je sais que tu seras pas là, je m'en fous d'où je serai dans 10 ans. J'irai jamais tapiner, même à 90 ans. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter.